بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب التجريد التوحيد المفيد سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد ذكر المصنف في كتابه أن الشرك الأمم كله نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية قال فالمشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك كما ذكرنا وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين والأحياء والأموات والذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربه من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملك وقاربه وخصته ثم قال توقفنا عند قول المصنف والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله ثم قال رحمه الله وأصله الشرك في محبة الله تعالى كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في سورة الأنعام والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة وكذلك قول المشركين في نار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنه مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم وأن الأرض ومن فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له Donc on va reprendre, Inch'Allah, sur notre lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, le monothéisme à l'état pur. Et pour le croyant et la croyante, on a dit, l'étude de ce domaine est d'une immense importance. Pourquoi ? Parce que les croyants, les musulmans qui croient au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus importante pour eux, c'est la réalisation du monothéisme pur. Pourquoi ? Parce que tout musulman sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour enseigner qu'est-ce que l'adoration du Créateur subhanahu wa ta'ala et comment cette adoration est pure et comment celle-ci est vouée d'une manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la chose la plus chère pour le croyant et pour la croyante, c'est de réaliser at-tawhid, de réaliser le monothéisme. Pour cela, de grands théologiens et de grands savants musulmans ont écrit des œuvres concernant le monothéisme. Pour ceux qui réalisent ce monothéisme et comprennent le monothéisme, c'est un rappel pour eux, et un rajout et un complément d'information. Et aussi, vous allez voir que c'est un grand rappel pour beaucoup de musulmans et de musulmanes qui pensent réaliser le monothéisme, mais qui en réalité ne réalisent pas le monothéisme pur, comme il a été enseigné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme va le dire l'auteur, et comme ça a été enseigné par tous les prophètes et les messagers, depuis le premier jusqu'au dernier. Donc j'ai continué à avancer dans la lecture en arabe, et on va reprendre directement où on s'est arrêté hier. Donc hier, on s'est arrêté, dans la dernière assise, lorsque l'auteur avait dit, le passage en arabe, on s'est arrêté sur cette phrase, « Kama huwa al-ma'ud fi dunya min husul al-karamati wa al-zulfa » لمن يخدم أعوان الملك أو أعوان الملك وأقاربه وخصته. Et donc, on avait dit que beaucoup, et là c'est un grand rappel de l'auteur, beaucoup de musulmans qui, malgré qu'ils disent « La ilaha illallah », malgré qu'ils témoignent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin, mais malheureusement, à travers leurs œuvres, ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé le sens et les implications de la parole de l'attestation de foi, « La ilaha illallah », le premier pilier de l'islam. Et même dans notre communauté, comme c'était le cas pour le peuple de Quraysh, le peuple du prophète, sans sème à l'époque à la Mecque, ils en ont pris des adorés et des divinités et des idoles en les adorant en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. La différence, c'est que plus tard, à l'époque de l'auteur lui-même, jusqu'à notre époque, beaucoup qui s'adonnent à l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup sont des gens qui yantasibuna ila l'islam. Ils s'apparentent à l'islam et disent la ila Allah. C'est pour ça que les savants, justement, leur rappellent le message des prophètes et des messagers. Quel est le but et l'objectif de l'appel des prophètes et des messagers? Donc on fait cette petite introduction pour que vous compreniez ce qui va suivre, ce que va dire l'auteur ensuite dans ce qui va suivre. Donc hier on avait terminé notre assise en disant que ceux qui par exemple adorent des awliya, c'est souvent propagé dans notre communauté le culte des awliya, c'est le pluriel de wali, le culte des vertueux. Eux disent qu'ils les prennent comme intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Al-Awliya intercède en leur faveur auprès du Créateur. Donc ce sont en quelque sorte des intercesseurs. Ici l'auteur nous a enseigné que c'est la même argumentation et le même justificatif que les premiers polythéistes. C'est la même argumentation. Et donc c'est pour ça qu'il a signalé que l'adoration d'astres, ou plutôt il a dit adorer des djinns, des diables, ou bien adorer des saints, des vertueux, ou adorer des prophètes, ou adorer des anges, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle adoration en dehors du Créateur, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est prendre des adorés en dehors de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il dit que faire cela, c'est faire ressembler le Créateur à ses créatures, à ses serviteurs. Pourquoi ? Parce que chez les êtres humains, qui sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et les serviteurs du Créateur, chez les êtres humains, le chef d'État, ou bien le roi d'une contrée, lui n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe dans cette contrée, on avait expliqué, il n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe. Pour cela, il a besoin d'avoir des hommes, des fonctionnaires à son service qui lui remontent justement les requêtes, les demandes du peuple, les informations au sujet du peuple. Donc d'une manière générale, le roi par exemple d'une terre ou d'une contrée ou d'un pays ou d'une région n'a pas d'une manière générale toutes les informations sur la situation de son peuple. Et d'une manière plus précise et particulière, n'a pas les informations sur les foyers, sur les personnes de manière individuelle, leur situation, leur pauvreté, leur richesse. Donc il a besoin de gens, d'émissaires ou de fonctionnaires qu'il l'informe de la situation du peuple. Et aussi, lors des demandes et des requêtes du peuple, il a besoin de gens qui lui remontent les informations et de gens qui intercèdent en faveur d'autres gens. Donc ils intercèdent et ils essayent d'adoucir le cœur du roi pour que le roi prenne en considération les requêtes et les demandes de, si on peut dire de la sorte, de ses sujets, des gens du peuple. Donc c'est pour ça qu'un roi sur terre, lui, a besoin de ministres, a besoin d'émissaires qui lui remontent les informations concernant le peuple, ceux qui sont dans le besoin, pour qu'ils puissent les aider. Et aussi, le roi sur terre est influencé par les demandes et les intercessions de différentes personnes qui lui sont proches. Et là, l'auteur fait allusion à cela en disant que le Créateur, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de ministre, n'a pas besoin qu'on lui remonte les informations. Allah a la connaissance de tout. Allah a la connaissance de tout. De la situation de ses serviteurs, de la situation des hommes. Donc, il n'y a pas besoin d'intermédiaires. Quel que soit le rang de ces intermédiaires, même si ce sont des anges, même si ce sont des prophètes, même si c'était des messagers qui ont une grande place, un haut rang auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala, l'adoration se fait directement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'était le résumé de ce qu'on a appris hier. On va continuer sur ce que dit l'auteur. Et donc, si on comprend ça, on va commencer à comprendre la base et l'origine du message des prophètes et des messagers. L'auteur ensuite dit, et là, on va bien comprendre ici le sens du monothéisme. Il dit donc qu'il existe deux sortes de shirk, comme on l'avait dit hier. L'une concerne le domaine de la divinité, comme on l'a dit, et l'autre celui de la seigneurie. L'auteur dit ensuite, l'association dans le domaine de la divinité et de l'adoration est la forme la plus courante recensée chez les polythéistes. Alors il dit, les adorateurs des idoles, des anges, des démons, des vertueux, de l'aouliya, parmi les vivants et les morts. Ces derniers revendiquent, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Le verset, dans une traduction relative du verset. Ils intercèdent en notre faveur et nous permettent de jouir de ces faveurs grâce à leur proximité et au rang honorable qu'ils ont auprès de lui, c'est-à-dire du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est le texte en lui-même, hein. C'est la parole de l'auteur, la traduction de la parole de l'auteur, que maintenant on peut mieux comprendre puisque ça a été expliqué et détaillé dans la dernière assise et on a fait un rappel au début de cette assise-ci. Ensuite, l'auteur dit dans une traduction, tel est en tout cas l'usage sur terre en vigueur avec l'entourage privilégié du roi qui constitue sa famille et sa cour. Regardez ce qu'il dit, le roi sur terre, il parle d'un roi qui est sur terre, on n'y pas que sur terre il y a des rois. Sur terre, il y a des gens qui ont un pouvoir sur une contrée, sur une région, qu'on dit le Moulouk. Ce sont des terres. Sauf que leur pouvoir et leur royauté est limité. Et en aucun cas, leur pouvoir est comparable au pouvoir du maître de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le souverain et le roi absolu. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, les rois sur terre constituent leur famille, leur cour. Et donc, l'auteur va faire allusion à tous les livres célestes, tous les livres qui sont descendus sur les prophètes et les messagers. Il dit, or, tous les livres célestes, du premier au dernier, condamnent cette pratique et ses auteurs qui sont à'da'ullah, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des prophètes du premier messager au dernier, ils appelaient ses peuples à l'adoration du Créateur. À l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le message du premier, min Nuhi alayhi salam, premier messager. Et avant lui comme prophète, on avait dit, il avait Adam, par exemple. Le père de l'humanité, Adam, était un prophète. Et tous appelaient au monothéisme pur. Et l'auteur ici fait allusion au livre aussi céleste, que ce soit la Torah, que ce soit l'Évangile, que ce soit le Coran, et d'autres livres. Tous, en réalité, appellent à l'adoration d'un Seigneur unique. Et même aujourd'hui, les trois religions, que ce soit la religion chrétienne, le judaïsme ou l'islam, ils disent que ce sont des religions abrahamiques, liées au prophète Abraham. Abrahamique, c'est-à-dire lié au prophète Abraham. Et les trois religions, en réalité, sont appelées trois religions du monothéisme. Donc, même les gens qui ne sont pas forcément pratiquants, mais il y a des gens qui ont étudié le message des religions, même si eux ne sont pas forcément pratiquants, ils savent que ce sont en réalité des religions du monothéisme. Que les trois religions connues, ce sont des religions du monothéisme. Et c'est pour cela que, aussi bien le message qu'il y a dans la Torah, dans l'évangile, qu'Allah Azzawajal a révélé, parce qu'ils ont été véritablement révélés. At-Tawrah wa l'Injil. La Torah est mentionnée dans le Coran. L'évangile est mentionné aussi dans le Coran. Et bien, dans tous les livres célestes qu'a révélé notre Créateur, c'est un appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un appel à l'adoration du Créateur des mondes et de celui qui a fait descendre ses livres et envoyer les prophètes et les messagers. Envoyer les prophètes et les messagers. Donc l'auteur ici fait allusion à une chose, que ce n'est pas dit dans le Coran seulement. L'appel à l'adoration d'un créateur unique, c'est pas dit dans le Coran seulement, mais c'est le message de tous les prophètes et les messagers, min awwalihim ila akhirihim, et aussi c'est le message qu'il y a dans les livres descendus et révélés, les livres célestes, qu'on appelle descendus et révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que, ensuite la difficulté pour les croyants. C'est pour ça qu'il y a de tels écrits. La difficulté et l'épreuve pour les croyants, c'est de rester sur la base et l'origine du message des prophètes et des messagers. Et chaque nation, chaque communauté a été éprouvée sur cela. C'est-à-dire que les partisans de différents prophètes, ensuite avec le temps, après la mort des prophètes et des messagers, il fallait rester sur le message de leurs prophètes et des messagers. Sauf que Shaitan, le Satan, ne va pas laisser les peuples. Et donc, son but, ça va être de dénaturer les religions, ou la religion plutôt, puisque c'est une seule et même religion. Et c'est pour ça que les croyants, eux, ont toujours besoin d'apprendre et de comprendre le cœur du message des prophètes et des messagers pour ne pas dévier justement de cela. Et regardez, on va mieux comprendre ce que l'auteur va dire. Et vous allez voir qu'il s'adresse ici aux musulmans en les rappelant à ces gens qui disent « La ilaha illallah » et qui professent que Mohammed est le messager d'Allah, mais qui en réalité voue adoration à un autre que leur créateur subhanahu wa ta'ala. Regardez maintenant ce qu'il dit. Donc je continue sur la traduction de ce que j'ai lu précédemment. Alors, il dit « Pour cela, tous les messagers, que les prières et le salut d'Allah soient sur eux, s'accordent du premier au dernier sur ce principe. C'est pour cette raison qu'Allah a décimé leurs différents peuples. Subhanahu wa ta'ala. » Et la tranquillité qu'a le croyant et le musulman, parmi les bienfaits de notre religion, c'est que nous faisons aucune distinction entre les prophètes et les messagers, entre les différents prophètes et les messagers. Et ça, c'est un bien immense. Et on ne rabaisse aucun prophète et messager. Tous étaient ceux qui sont confirmés dans le Coran, tous étaient prophètes et des messagers. Et on n'a pas le droit d'accuser certains prophètes comme étant des imposteurs, comme étant des gens qui ont revendiqué la prophétie faussement, mais c'était tous des prophètes et des messagers. Ibrahim alayhi salam était un messager. Bien au contraire, Moussa ou Aïssa, le prophète Moïse, connu sous le nom de Moïse, et dans la tradition musulmane, Moussa, alayhi salam, et Aïssa, dans la tradition musulmane, dans la tradition chrétienne, Aïssa qui est nommé Jésus, tous étaient prophètes et messagers. Et dans notre livre, dans le Saint-Coran, dans le livre de notre Créateur, encore plus, ils sont considérés parmi les cinq meilleurs messagers. Ce qu'on appelle Ulul Azm. Ulul Azm, min al-Rusul. Ce sont les messagers doués de résolution, une traduction française, littérale, doués de résolution. C'est-à-dire que ces cinq messagers, min Nuh, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa, wa Mohammed, sont les cinq meilleurs messagers. Ulul Azm, min al-Rusul. Et parmi ces cinq, il y a le prophète Moïse et le prophète Jésus, Isa, alayhi salam. Et dans la traduction musulmane, Moussa, wa Isa. Donc nous croyons qu'ils étaient prophètes. Et Moussa est même surnommé Kalimullah. Kalimullah. Allah a parlé de vive voix à Moussa. Et Moussa a eu cet honneur de parler avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et Isa a une haute place aussi. Et on connaît aussi la place de sa mère, Mariam, qui est dans la tradition chrétienne, qui est appelée la Vierge Marie. Et dans la tradition musulmane, en arabe, Mariam. Mariam, qui est dit la meilleure des femmes de l'univers. Nous, en tant que musulmans, on considère qu'elle est la meilleure des femmes de l'univers. Et d'ailleurs, il y a une sourate dédiée à Mariam. Très belle sourate. Une très belle sourate, un très beau passage dans le Coran, dédié à Mariam, avec l'histoire de Mariam dans d'autres passages aussi du Coran. Donc ça, c'est une tranquillité pour le croyant de ne pas faire de distinction entre les prophètes et les messagers. Ils sont tous prophètes et leur messager est un seul et même message. Un seul et même message. Vous allez voir ce qui va suivre. Donc maintenant, on va continuer dans la lecture. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit « Ahlaka al-umam » comme, et lorsqu'il dit les nations, comme la nation de Ad, de Thamoud, lorsqu'ils n'ont pas suivi le message de leur prophète, lorsque leur fut envoyé le prophète Salih, par exemple, ou le prophète Hud. Et tous deux, Salih, par exemple, et Hud, étaient des prophètes arabes, d'origine arabe. Salih ou Hud ont été envoyés au peuple de Ad et de Thamoud, comme ces peuples sont mentionnés dans le livre saint, dans le Coran. Mais tous les prophètes, comme on l'avait déjà dit, ne sont pas tous d'origine arabe. Dans un hadith, ensuite ça c'est selon l'authenticité du récit, les grands théologiens musulmans qui considèrent l'authenticité du récit considèrent qu'il y a plus de 120 000, 124 000 messagers, prophètes plutôt, qui ont été envoyés. Nous, on connaît quatre prophètes arabes, d'origine arabe. Parmi eux, Hud, ou eux sont Hud, le prophète Hud, le prophète Salih, Shuaib ou Mohammed. On connaît quatre prophètes arabes. Hud, Salih, Shuaib ou Mohammed. Qala. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Vous allez voir ce qui arrive est très très pertinent. Et vous allez voir qu'ensuite le rappel que c'est pour la bonne compréhension du monothéisme. Qala. Alors, à l'origine de cette pratique erronée, maintenant de l'adoration de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les polythéistes accusent une défaillance au niveau de l'amour exclusif. Regardez ce qu'il dit. On avait bien fait allusion dans les dernières assises, on avait fait une remarque que l'auteur parle beaucoup de l'amour. Al-Mahabba. Vous avez vu, lorsque on avait déjà fait allusion à ce thème-là, l'amour, on avait dit Mahabbatul Ibada, l'amour d'adoration. On avait déjà fait allusion. Regardez l'auteur ce qu'il va dire. En arabe, on reprend ici dans la traduction, lorsque l'auteur dit wa asluhu ash-shirku fi mahabbatillahi ta'ala. Vous avez vu, il a parlé des deux genres de polythéisme des peuples. Dans la seigneurie, il avait dit le premier genre est dans l'adoration. Il a commencé à détailler le polythéisme dans l'adoration. Il dit ce polythéisme dans l'adoration, à l'origine de cette pratique erronée, c'est-à-dire le polythéisme dans l'adoration, il dit l'origine de ce polythéisme, c'est quoi? Il dit c'est mahabba, c'est l'amour. Regardez, wa asluhu ash-shirku fi mahabbatillah. La base de ce polythéisme, dans l'adoration, il dit la base de celui-ci, l'origine de ce polythéisme, c'est un shirk de l'associationnisme dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Fil mahabba. Vous avez vu, il revient sur le terme amour. C'est pour cela que même précédemment, on avait lu, là ils avaient parlé de l'unicité de l'adoration, il avait dit Tawhid al-Ilahiyya ou al-Mahabba. Et de l'Mahabba. Il insiste beaucoup sur l'amour. Vous allez comprendre. Parce qu'il dit, il refait référence au verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il refait référence à ce verset, une traduction littérale du verset. Certains hommes donnent à Allah des rivaux auxquels ils vouent un amour comme envers Allah. Quant aux croyants, ils vouent un amour plus grand à Allah. Selon les meilleures hypothèses, il dit, une traduction de sa parole maintenant en avance, selon la meilleure hypothèse en explication à ce verset, vouer envers quiconque le même amour qu'envers Allah, cela revient à lui attribuer un rival dans l'adoration. Ensuite, il dit, ce rival correspond à l'égal dont fait mention l'autre verset disant, puis, il dit, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Et ceux qu'on ont mécru vouèrent ou assignèrent à Allah un semblable, un égal. Autrement dit, selon l'hypothèse la plus vraisemblable concernant ce verset, les polythéistes vouent un égal à Allah au niveau de l'adoration et de l'amour qu'ils lui doivent. Lorsqu'il est dit ici, selon l'hypothèse la plus vraisemblable, vous savez à quoi il fait allusion ? Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, il fait allusion à l'interprétation du verset. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux sortes d'interprétations, ou plutôt pas deux sortes, mais deux interprétations du verset. Il y a des savants, dans l'interprétation de ce verset, et parmi les gens, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des andad, des semblables, des rivaux, une traduction littérale. En les aimant comme ils aiment Allah. Quel est le sens en les aimant comme ils aiment Allah? Certains savants ont dit, dans une première interprétation, en les aimant comme ils aiment Allah, c'est-à-dire ils ont aimé ces semblables qu'ils ont pris en dehors d'Allah comme ils aiment leur créateur, comme ils aiment Allah, azawajal, d'un amour équivalent. Ça, c'est une première interprétation, c'est celle-là que dit l'auteur dans cette hypothèse, selon l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est-à-dire selon l'avis le plus vraisemblable, c'est-à-dire l'interprétation la plus vraisemblable. Sinon, il y a des savants qui ont interprété le verset en disant ils aiment ces semblables, ces undead, ceux qu'ils ont pris en dehors d'Allah, ils les aiment comme les croyants aiment Allah. Ils les aiment comme eux, les croyants, aiment Allah. C'est-à-dire que eux aiment leur divinité, il leur faut adorer, et leurs idoles, comme eux, les croyants, aiment Allah, azawajal. Ça, c'est une interprétation. Mais beaucoup de savants disent là, l'interprétation la plus vraisemblable, celle qui est mise en avant, c'est celle-ci. Et donc l'auteur, c'est pour ça qu'il dit, autrement dit, selon l'interprétation la plus vraisemblable, concernant ce verset, les polythéistes vouent un égal à Allah au niveau de l'adoration et de l'amour qu'ils lui doivent. Vous avez vu ? Donc ici, est-ce que, comme on l'avait dit là, pourquoi l'auteur cite ça ? Est-ce que lorsqu'Allah Azzawajal a dit, ils ont pris des rivaux et assigné des semblables à Allah, est-ce que c'est en disant qu'ils ont dit que leurs idoles, c'était, ils avaient une part de la création, une part de la royauté, ils gèrent cet univers, ils octroient la subsistance, c'est dans la seigneurie ou bien c'est dans l'adoration ? C'est dans l'adoration, pourquoi ? Parce que l'amour est une forme d'adoration. L'amour est une forme d'adoration. Et bien plus encore, l'auteur dit donc que l'origine du polythéisme alors, de leur polythéisme, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, beaucoup de membres de notre communauté, lorsqu'ils adorent des awliya, des amouettes, ils les adorent, c'est parce qu'ils les aiment. Ils les aiment d'un amour immense. Et c'est pour cela que l'auteur insiste sur cela en disant c'est asl al-shirk fi mahabbatillahi ta'ala, c'est dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala. Ensuite l'auteur a dit et dans cet ordre wa hada huwa al-'adl qala fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu man ahabba ma'a Allah shay'an ghayrahu kama yuhibbuhu faqad ittakhadha nindan min dunihi wa hada 'ala asahi al-qawlayn. Fil aya, annahum yuhibbunahum kama yuhibbun Allah. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Et lorsqu'il a cité l'autre verset, le premier verset qu'on a cité c'est dans Sourate Al-Baqarah, le verset 65, et le deuxième verset qu'il a cité c'est le verset 1 de Sourate Al-An'am. Lorsqu'il a dit « ceux qui ont mécru ont assigné des semblables à Allah », des semblables à Allah, il dit « هذا العدل », le fait d'avoir assigné des égaux semblables aux rivaux à Allah, c'est dans cela. « هذا هو العدل المذكور ». L'adl qui est mذكور dans ce verset, c'est comme dans le verset précédent, dans l'amour. « والمعنى لصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. » Et donc le sens de donner un semblable à Allah, ici le sens cité par les grands savants dans l'exégèse du Coran, ils disent ces semblables qu'ils ont assignés à Allah, c'est dans l'adoration qui est sous-entendu. C'est dans l'adoration. فَيُسَوُّنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْحُبِّ وَالْعِبَادَةِ. Et donc, ces semblables et rivaux qu'ils ont donnés à Allah, c'est dans l'amour et l'adoration. Dans l'amour et l'adoration. وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ الْأَصْنَامِهِمْ. Regardez, il nous est dit dans un verset, les polythéistes, le jour de la rétribution, lorsqu'ils seront jugés, et ensuite ils iront fi jahannam, fi nar. Qu'est-ce qu'ils diront? تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ils diront les asnamihim, ils diront à leurs idoles, par Allah. Regardez, qu'est-ce qu'ils diront? Les idolâtres, ils diront par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste lorsqu'on vous a rendu semblable à notre Créateur. Et ça, ce verset est très important, parce que les savants disent que alors, beaucoup de savants, par rapport à ces versets, lorsqu'ils expliquent, ils expliquent le polythéisme, qu'est-ce que le polythéisme? Ils disent c'est « et teswiya ». Et ce terme-là, « teswiya », est très important. « Et teswiya », c'est donner un semblable, un égal au Créateur, tout simplement. « Wa dalil » est la preuve, ce verset, qu'on vient de lire, le verset 97 et 98 de la Sourate Shu'ara, les poètes, lorsque, justement, eux, ils diront à leurs idoles « Tallahi, in kunna » La fille d'Allah l'inmoubin, Allah par Allah, comme nous étions dans un égarement manifeste. Pourquoi ils étaient dans un égarement manifeste? Et qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs idoles? Ils diront, iznusawikum, lorsqu'on vous a donné semblable, on vous a rendu semblable, égal au Créateur, à notre Créateur. Nusawi, c'est le verbe de teswiya. Teswiya, le masdar, c'est le verbe. Nusawi. Vous entendez, hein, en arabe. Nous sawi. Sawai ou sawi. Nous sawi kum brabbil alamin. C'est faire le taswiya. Wa ma'lum qatran anna hadihi taswiya lam takun baynahum wa bayna Allahi fi kawnihi rabbahum wa khaliqahum. Mais ce qui est connu, c'est le fait qu'ils aient rendu ces idoles semblables au Créateur. Ils ont fait de ces idoles des semblables, rivaux au Créateur. C'est dans le fait qu'ils ont dit d'eux que ils étaient créateurs de cet univers, qu'ils géraient cet univers. Non, c'est dans l'adoration. Ils ont fait d'eux des semblables dans l'adoration. C'est ce que dit l'auteur. Pas dans le fait que ils ont dit iznusawikum birabbil alamin, lorsqu'on vous a rendu semblable au Seigneur de l'univers, pas du fait qu'ils ont dit qu'ils étaient créateurs de ce monde, c'est pas dans ça. Nous sawwikum fil ibada. Qala fa innahum kanu kama akhbara Allah anhum muqirrin bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbuhum wa khaliquhum wa anna al-ardha wa man fiha lahu wahdahu wa annahu rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arshil 'azim wa annahu subhana huwa alladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi. Et regardez, c'est pour ça que cette égalité portée donc au niveau de l'amour et de l'adoration, dit l'auteur, vouer à quiconque le même amour, la même peur, le même espoir, la même humilité qu'envers Allah, relève de l'association qu'il ne peut pardonner, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on verra ensuite. Dans cet ordre, lorsqu'Allah dit dans le verset, on vient juste avant dans la traduction, par Allah nous étions vraiment dans un égarement manifeste, il est dit dans le verset, lorsque nous vous égalions au Seigneur de l'univers. Il va sans dire que cette égalité ne portait pas sur le fait qu'Allah était le Seigneur et le Créateur. Les polythéistes Comme il est dit dans le Coran, Allah nous l'apprend. Ne remettez pas en cause l'unicité d'Allah au niveau de la seigneurie de la création. Il reconnaissait que la terre et tout ce qu'elle contient lui appartenaient. Il reconnaissait qu'il était le seigneur des sept cieux et du trône immense, et qu'il détenait entre ses mains le royaume de toutes choses. Allah nous dit dans le Coran, il offre sa protection à qui il veut, mais personne ne saurait être protégé contre lui. Subhanahu wa ta'ala. Là, vous comprenez un peu ce que veut dire l'auteur. Dans beaucoup de livres, et vous savez, cette croyance-là que je vais vous dire, c'est la croyance qui était la plus répandue dans le monde musulman. Et pourtant, c'est les gens les plus proches des gens de la sunna. C'est la tendance innovatrice, la fraction, on pourrait dire même secte, la secte qui est la plus proche des gens de la sunna, qui sont les plus proches de la sunna. Al-Ash'ari'a, le Ash'alisme. Le Ash'alisme, c'est le madhab, l'école de pensée, la fraction qui est la plus proche des gens de la sunna. Jusqu'à ce que certains savants les ont considérés, mais par erreur, hein, tous les grands savants contemporains et les grands savants d'avant considèrent que c'est une erreur. Mais les ont considérés min ahli sunnati wal jama'a. Ce qui a même été la cause d'un grand débat chez les grands savants musulmans. Et l'avis le plus juste, c'est que beaucoup de savants musulmans ont dit ne peuvent pas faire partie des gens de la sunna et du consensus. Mais beaucoup de savants les ont considérés min ahli sunna. Pas beaucoup de gens, mais certains, considérés parmi les gens de la sunna. Et ce madhab-là, c'est le madhab qui était le plus courant dans le monde musulman. Dans leur livre, pourtant, eux qui sont les plus proches, dans leur livre, pour eux, la ilaha illallah, c'est nul n'est capable à la création si ce n'est Allah. C'est comme ça qu'ils définissent la ilaha illallah. Et donc, pour eux, le polythéisme, le grand polythéisme, c'est dans le domaine de la seigneurie. Vous comprenez que l'auteur, lui, c'est pour ça qu'il justifie bien que cela, que le domaine de la seigneurie, ça n'a pas posé problème de l'affirmer, et d'affirmer l'unicité d'Allah dans le domaine de la seigneurie, ça n'a pas posé problème aux polythéistes. Le problème, c'était dans le domaine de l'adoration. Et c'était ça l'antagonisme qu'il y avait entre les prophètes et les messagers. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de musulmans aujourd'hui qui adorent l'Aouliya, et par exemple qui adorent des saints, des défunts, des mashayikhs, des anges, des djinns, eux vous diront que le polythéisme, c'est dans Rububiya, de sorte que j'ai pas dit que le défunt il est créateur de toutes choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai juste immolé. J'ai fait un dhabh. Pour eux, l'action en elle-même, tant qu'il n'y a pas une conviction qui touche l'unicité de la seigneurie, ce n'est pas du polythéisme. Et donc l'auteur, vous comprenez pourquoi il dit que ce qui nous est dit dans les versets, ce qu'on comprend, c'est que l'antagonisme entre les prophètes et leurs meubles, c'était sur le domaine de l'adoration. Si on considère le musulman, on considère qu'Allah est le créateur de toutes choses, et il affirme la seigneurie d'Allah, ça doit le mener vers l'adoration de ce créateur, uniquement et exclusivement. Donc là, vous allez mieux comprendre ce qui suit. Donc vous comprenez jusque-là ? Regardez, c'est pour ça que l'auteur dit, cette égalité portée donc au niveau de l'amour, cet amour d'adoration, c'est la base des adorations. On adore Allah, pourquoi ? Parce qu'on l'aime. Et la base de notre adoration est liée à l'amour qu'on voit à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'amour est un pilier parmi les piliers de l'adoration. On a dit qu'il y a trois piliers dans les adorations. L'amour, l'espoir, la crainte. On adore Allah, azza wa jalla, avec amour, espoir et crainte. Et regardez l'auteur, donc il nous dit, cette égalité portée donc au niveau de l'amour et de l'adoration voue à quiconque le même amour, la même peur, la même crainte, le même espoir, la même humilité qu'envers Allah relève de l'association qu'il ne peut pardonner. Allah ne pardonne pas cette association. Que dire alors de celui qui éprouve plus d'amour et de peur et qui recherche avec plus d'entrain la satisfaction de quelqu'un d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez, dans le verset, il nous est dit que Allah azza wa jalla nous dit que les polythéistes à l'époque ont donné des semblables à Allah en les aimant autant qu'ils aiment Allah. C'est ça qui est dit dans le verset 65 de la sourate al-Baqarah. Et Allah dit que en cela, ils lui ont assigné des semblables, en les aimant comme ils aiment Allah. Que dire alors si ils aiment leur idole plus que le Créateur subhanahu wa ta'ala ? ils craignent le créateur plus, ils craignent leur idole plus que le créateur, subhanahu wa ta'ala. Dans beaucoup de nos pays, de pays musulmans aujourd'hui, par exemple, s'il jure sur Allah, il peut mentir. Par contre, s'il jure sur le wali, il ne mentira pas. C'est le plus grand sacrilège, de jurer sur le wali. Ils ont une crainte révérentielle. Ils ont une crainte qui dépasse toutes les craintes, des fois. C'est pour ça que parfois, ils passent dans des endroits et les adeptes de ces pratiques-là ont peur s'ils ne font pas une offrande. Ils ont peur s'ils ne font pas une offrande. C'est comme on avait déjà raconté l'histoire un jour en Talab al-Ilm, un étudiant en sciences. Il est revenu dans son pays, c'est un pays musulman, et il était un jour il était dans un taxi avec d'autres gens du taxi. Arrivé à un endroit dans la montagne, ils sont passés devant la tombe d'un wali. Et là, le taxi a commencé à récolter les offrandes et les sadaqas. Arrivé à cet endroit-là, il fallait faire une offrande. Alors, tous les gens dans le taxi ont commencé à réunir et donner. De nos taxis, ils ont réuni leur offrande. Et jusqu'à ce qu'ils demandèrent à cet étudiant, et toi par contre tu n'as pas donné. Il a dit, pourquoi devrais-je donner? Il dit, il faut que tu donnes, sinon on va s'attirer les foudres du wali. Dans le sens. Alors ils ont commencé à avoir peur. Et lui, le talib al-ilm a dit, les offrandes, à sadaqat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas avoir peur, c'est un wali, c'est juste une tombe. Il va rien nous arriver. Et ils ont commencé à tous avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est la tradition, lorsqu'on passe à cet endroit, il faut faire l'offrande. Et s'ils font pas l'offrande, ils pensent qu'il va leur arriver des accidents, un malheur, une calamité, ils vont être touchés par les foudres de celui-ci. Alors, regardez, ils ont une peur. Ils aiment leur idole, ensuite ils en ont peur. Et le Talib al-Ilm n'a pas donné, il leur est rien arrivé. C'est pour ça qu'en réalité, le monothéisme nous libère et nous défait. Alhamdulillah, ça libère la personne, il est libéré de toute forme de superstition, de choses qui n'existent pas. Les démons essayent de faire peur aux gens. Ne passe pas à tel endroit, il va t'arriver telle et telle chose. Aujourd'hui, ne fais pas telle chose parce que c'est un jour où il y a mauvais augure. J'ai vu un oiseau, il a fait telle direction, et lorsque les oiseaux, dès le matin, on les voit, ils vont dans telle direction, c'est mauvais augure. Ou dès que je suis sorti de chez moi, j'ai vu une chose, c'est mauvais augure, je rentre chez moi, je ne vais pas au travail. Ou ce jour-ci, le vendredi de telle date, fais attention, il va se produire des choses, c'est pas un bon jour pour moi. Ou tel jour de la semaine, ou tel jour du mois, je ne peux pas me marier. C'est un jour où, comme ils disent, il y a la poisse. Et donc ça, au quotidien, c'est dur. C'est dur parce qu'ensuite, c'est plein de superstitions. Et puis, il faut faire des offrandes lorsqu'on achète un nouvel appartement. Il faut faire des offrandes aux djinns. Il faut aller égorger une bête, une poule, un djage, ou bien un agneau, ou autre chose. Il faut faire des offrandes. C'est dur. On s'achète une nouvelle voiture pour qu'elle soit préservée du mal et protégée du mal des djinns. Alors, il faut faire des offrandes à cela. C'est dur. Et c'est un quotidien où les gens, eh ben ça crée un stress, un mal-être. Et vous avez avec le monothéisme, on se libère. C'est pour ça qu'il est dit que le prophète est venu libérer. C'était une lumière, le monothéisme. Et donc celui qui se rend compte du bienfait du monothéisme, qu'il est libéré, c'est Hadi Ni'matun Azima. Vous voulez une faïda qui va venir ensuite, très belle faïda. L'auteur a dit, les deux formes de polythéisme propagées chez les peuples, c'est dans le domaine de la seigneurie et dans le domaine de l'adoration. Dans le domaine de la seigneurie, dans le domaine de l'adoration. Il y a une cause pour se préserver, pour être protégé du shirk, du polythéisme, dans le domaine de l'adoration et dans le domaine de la seigneurie. Il y a nombreuses causes, hein. Vous savez, l'une des causes qu'on fait tous les jours, c'est même un pacte qu'on fait avec Allah, tous les jours. Et ça nous protège. Par la grâce d'Allah, biznillah, ça nous protège justement du polythéisme fil-rububiyya et du polythéisme fil-uluhiyya. Et on le fait tous les jours. au minimum 17 fois par jour. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et ça va venir dans ce qui va suivre. Lorsqu'on dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et des savants disent, lorsqu'on dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, on a fait un engagement avec Allah. Puisqu'on dit, c'est toi seul que nous adorons. Et ils disent en cela, il y a une protection contre le shirk fi al-ubudiyya, fi al-ibada, contre le shirk dans l'adoration. Iyyaka nasta'in, c'est à toi dont nous implorons l'aide. Et ils disent, là, c'est un engagement. Si on demande l'aide, on demande à Rabb al-Alamin, au Seigneur de l'univers. Protection dans le tawhid al-rububiyya, contre, ou plutôt, contre shirk dans le domaine de la seigneurie. Al-rububiyya, dans le domaine de la seigneurie. Pourquoi? Parce que celui qui accorde l'aide, c'est le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Et donc, c'est comme si, et ça c'est une faïda que dit Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, il dit, hada ahd, mithaq, c'est un engagement que prend le croyant avec son créateur. Il dit, iyyak na'bud, c'est toi dont nous adorons, toi seul. Iyyak, en arabe, c'est vraiment, le sens est fort. Parce que ce qui devait tarder dans la construction de la phrase est venu avant. Et ce qui devait venir avant est venu après. Iyyak na'bud, c'est vraiment toi dont nous adorons et personne d'autre. Engagement, ça te préserve du shirk dans le ubudiyya. Chaque jour, on le dit. Et c'est une ni'ma de pouvoir dire Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. N'avez-vous pas remarqué, lorsque surat an-Nas, ce qu'on avait expliqué, les trois noms d'Allah Azza wa Jal qui sont mentionnés dans surat an-Nas. Qul a'udhu bi rabbi an-Nas, malik an-Nas, ilahi an-Nas. Rabb an-Nas, malik an-Nas, ilahi an-Nas. On a dit donc les trois noms ont forcément un sens différent. Il est cité le Seigneur, ensuite le Souverain, le roi absolu, et ensuite l'adoré, Al-Ilah, Al-Ilah. Donc on avait expliqué le sens et le faïda de cela. N'avez-vous pas remarqué dans Surat Al-Fatiha, après le Basmala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est cité, louange au Seigneur de l'univers, Rabb, Rabbil Alamin. Ensuite il est dit, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tout miséricordieux, très miséricordieux. Allah se décrit dans ce verset et nous informe qu'il est le tout miséricordieux. Soyez apaisés, vous les croyants. Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après Allah dit, Malik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, le roi souverain, Al-Malik, donc on a eu le terme Rabb, le nom d'Allah Azza wa Jal parmi les noms sublimes, ensuite Al-Malik, et ensuite on a l'adoration Iyyaka na'bud li'annaka al-ilah. Vous avez vu dans le même ordre subhanallah que soit An-Nas, subhanallah. C'est pour ça que je vous ai dit, une personne par exemple qui a bien mémorisé soit Al-Fatiha ou Al-Mu'awizatan avec Qul wallahu ahad, yastati' an yad'u ila at-tawhid. S'il a bien compris l'essence, il a bien médité l'essence. Regardez, on continue dans la traduction. Taïb, on s'arrêtait. Que dire alors de celui qui éprouve plus d'amour et plus de peur et qui recherche avec plus d'entrain la satisfaction de quelqu'un d'autre qu'Allah? Si le simple fait d'avoir autant de sentiments envers Allah et ses rivaux est une forme d'association, que dire de celui qui a plus de ferveur envers ses rivaux? Qu'Allah nous préserve de se détacher de l'islam et de l'unicité comme un serpent qui mue tout en pensant que nous restons unificateurs et musulmans. Voici donc l'une des formes de l'association. Vous avez vu ce que dit l'auteur, regardez. En arabe, regardez ce qu'il dit. وإنما كانت هذه التسوية بينه وبينه تعالى في المحبة والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجا وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاتي أشد سعيا منه في مرضات الله فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. Et là, à la fin, l'auteur, il fait un dua. Il dit qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve que ce tawhid-là, ce monothéisme, notre islam, sorte du cœur, s'éloigne, en quelque sorte, du cœur. C'est-à-dire que notre cœur le perd. Comme le serpent perd sa peau. Comme il dit, regardez, « Kin silah il hayya min qishriha » Lorsqu'il est traduit ici, qu'Allah nous préserve de se détacher de l'islam et de l'unicité comme un serpent qui mue, c'est-à-dire la mue, c'est la peau du serpent, comme le serpent se détache de sa peau. Vous avez vu? Et regardez ce qu'il dit. Tout en pensant que nous restons unificateurs et musulmans. Alors qu'on pense qu'on est toujours musulmans. Et toujours on voit un culte pute à Allah subhanahu wa ta'ala. Fadala. Ouais, comme ça. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد على وسادة والفضل بعث محمد وحدة ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن قال فعيدا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك ثم قال والأدلة دلت على أنه تعالى يحب vous avez يجب ou يحب يجب الله أعلم يحب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتضحد حجج أهله وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى إلا الله تعالى بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عبادة وركب فيه من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل معبود سوى باطل وأن كل معبود سواه باطل وأنه والله الحق المبين تقدس وتعالى وهو عجب كيف يعصل الإله أم كيف يجحد الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم يذكر المصنف النوع الثاني من الشرك وهو الشرك به تعالى في الربوبية. Donc là on a fini sur la première catégorie. On a fini sur la première catégorie en disant, pour terminer dans la lecture, la traduction de ce que l'auteur dit, il dit « Tous les textes démontrent qu'Allah aime se voir adorer seul. » Si c'est dans le sens que le verbe était « yuhib ». Soit il ordonne, soit il aime. Être adoré seul remet en question cette forme d'association. Et donc, annule les arguments de ses partisans. Les preuves allant dans ce sens abondent tellement qu'Allah est le seul capable de les dénombrer. Chaque création d'Allah est un signe qui témoigne de son unicité, dit l'auteur. Chaque création d'Allah, il dit, est un signe qui témoigne de l'unicité. Dans toute la création du Créateur, il y a des signes qui témoignent de l'unicité de ce Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et il est de même pour les ordres venant de lui. Ainsi la création, l'ordre divin, il dit, la nature qu'il a insufflée à ses créatures et la force dont il l'a dotée sont des signes témoignant qu'il n'y a d'autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui. Et toute divinité en dehors de lui est mensonge alors qu'il est la vérité évidente. Il est dit dans un vers, dans un poème, étonnant comment Allah peut-il être désobéi ou bien comment le dénégateur peut-il le renier alors que dans tout mouvement et dans tout non-mouvement, tout témoigne de sa divinité et que dans toute chose se manifeste un signe qui démontre qu'il est l'unique. Et de là, on a fini l'explication de la première partie. C'est-à-dire, il a cité deux formes de shirk, fil ubudiyya ou fil uluhiyya, et là on a fini celui de al-uluhiyya, et on prendra demain, inshallah, sur al-rububiyya. Pour terminer, on va juste prendre un hadith qu'on devait lire hier, concernant le mérite de la mosquée. Oh non, j'ai pas le livre. Donc, naktafi bihada, on va s'arrêter là, inshallah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم